Lettre 112e, Valérie à Théophanie, Byzance, mai 305. Oh, trop malheureuse amie, ma compagne de douleur, reçois cette lettre de mon père à Galerius, comme la seule chose qui soit en mon pouvoir de t'offrir. Ma tendre pitié et mes larmes te furent dévouées dès le moment où Constantin en fuite arriva ici, et vint secrètement chez mon père. Dieu, quel monde, quels hommes, vaut-il la peine de vivre? Ah, qu'ils sont heureux ceux qui nous ont devancés au séjour de la paix. Constantin parla à mon père de son ami avec toute l'éloquence du sentiment et de la reconnaissance. Il le pressa, le supplia à genoux de faire valoir son autorité pour que Galerius lui rendît la liberté. « Il meurt pour moi » s'écria-t-il avec un accent qui perçait mon cœur. Sa douleur n'était pas équivoque, et celle d'un homme aussi ferme, d'un héros tel que Constantin, fait bien plus d'impression que les larmes et les plaintes d'un être faible et ordinaire. Je ne pouvais cependant m'empêcher de penser « Pourquoi le laisses-tu mourir? Pourquoi as-tu accepté ce sacrifice? Le trône a donc pour toi plus de prix que l'amitié? C'est là ce qui cause tant de maux dans le monde, que le sentiment ait si peu de valeur. Ah, si les hommes s'aimaient entre eux comme ils le doivent, comme Jésus-Christ nous a aimés, comme il nous a ordonné de nous aimer les uns les autres, de cet amour qui sait tout supporter avec douceur, avec patience, qui ne pense jamais à soi, qui est toujours actif. Cette terre serait déjà le séjour du bonheur. Mais Constantin n'a en vue que sa grandeur future, et ce coupable égoïsme coûte la vie au meilleur des hommes et le bonheur à la femme la plus digne d'en jouir. Je pensais ainsi avec une amertume que je pus à peine cacher, et je me détournais de lui. « Mon père, tu ne sais pas, Théophanie, combien il possède de sensibilité, méconnue peut-être de la multitude, dans la place importante qu'il occupait. » Il parut vraiment attendri des supplications de Constantin. « Mais, ô mon Dieu, pourras-tu le croire ?» Il déclara qu'il ne pouvait rien, ou du moins bien peu, pour sauver Agathoclès. « Je ne suis plus empereur, lui dit-il, et le nom seul, sans la puissance, ne peut rien sur un homme qui ferme son cœur à la reconnaissance. » Constantin, profondément affligé, repartit comme il était arrivé. Je risquai alors de parler aussi à mon père, mais il m'imposa silence, et je vis qu'il n'y avait rien à faire. Sur ces entrefaites arriva une lettre du roi d'Arménie pour mon père et la tienne pour moi. Tiridate n'espérait pas sauver Agathoclès. Il ne désirait qu'un délai et la permission pour son ami de revoir encore une fois sa femme et ses enfants. Cette fois, Dioclétien fut vivement ému. Surtout à la lecture de ta lettre, que je lui remis. Il écrivit sur le champ à Galerius la lettre que je joins ici, en me disant qu'il désirait ardemment qu'elle pût produire quelque effet. Je m'empresse de te la faire parvenir, le messager attend. Et les préparatifs pour nous rendre à Salone sont achevés. Je n'ajoute rien de plus pour ne pas retarder cet envoi. De quelles paroles pourrais-je d'ailleurs me servir qui puisse rendre ce que je sens? Ah, tu sais si le cœur déchiré de ta pauvre Valérie comprend et partage les peines du tien. Adieu, adieu.